cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Érotique en toge, réguler le désir dans la Rome antique. Quelle fut la surprise de l'archéologue ou du philologue à la recherche de la pureté antique que de découvrir des scènes licencieuses sur les murs de Pompéi? Ici un couple dans une position sans équivoque, ici un autre couple, ah oui quand même, et tiens, là une qui coûte. Comment parler de la sexualité dans la Rome antique sans y plaquer nos représentations? D'ailleurs, que signifie sexualité pour les anciens et quelle place laisser au plaisir? Tiens, encore une qui coûte. Géraldine Puccini, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au moment de réfléchir à la sexualité, nous avons créé des cases homo, hétéro, bi. Nous savons même qu'aujourd'hui elles sont extrêmement poreuses et ça ne signifie pas grand-chose. Quelle était la lecture que pouvaient avoir les anciens dans l'Antiquité? Alors dans l'Antiquité, ces catégories ne sont pas du tout pertinentes. Nous faisons nos catégories en fonction du partenaire, en fonction du choix du partenaire, en fonction de son sexe. Ça n'a pas de sens dans l'Antiquité. La sexualité se construit sur un certain nombre d'oppositions. Première opposition, la plus importante, d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Et si on veut rentrer dans le détail, je dirais que il y a le groupe des hommes d'un côté et de l'autre le groupe de tous les autres. Femmes, enfants, affranchis, esclaves, le groupe de tous ceux qui sont subordonnés au groupe des hommes de conditions libres. Ensuite, il y a la hiérarchie des statuts sociaux qui explique en grande partie la sexualité dans l'Antiquité. On va mettre d'un côté les hommes de conditions libres et de l'autre les esclaves et les affranchis. Et puis une troisième opposition qui concerne les catégories d'âge. D'un côté l'enfant, le puer, et puis de l'autre le wir, l'homme. Et cet homme de conditions libres, c'est vraiment la norme qui va conditionner toutes les autres catégories et tous les rapports sociaux. L'homme de condition libre devient la norme. Et autour de lui, eh bien, gravite tout ce que vous nous avez dressé comme panorama, Géraldine Puccini, mais qui est en fait un panorama de la société romaine. La sexualité entre dans ces questionnements. Christian Georges Schwenzel, bonjour. Bonjour, Xavier. Au moment de parler de sexualité, il y a les pratiques aussi. Alors, rien de nouveau par rapport à ce que nous connaissons. Toutes les pratiques existent déjà. Exactement, oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sexualité à proprement parler n'est pas historique. Les animaux aussi ont des pratiques sexuelles pour se reproduire ou pour le plaisir, hein, ce qu'on appelle la sexualité récréative. Ce qui est véritablement historique, ce qu'étudient les historiens, les historiennes, les chercheurs et les chercheuses, ce sont les représentations de la sexualité. Alors c'est ça, en fait, qui varie d'une époque à l'autre. Et comme vient de le dire Géraldine Puccini, nos représentations de la sexualité aujourd'hui, elles ne sont pas les mêmes que dans l'Antiquité, parce qu'aujourd'hui on parle d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle, comme on parle d'orientation politique, par exemple. Donc ce n'est pas du tout le cas dans l'Antiquité, comme vous l'avez dit. Dans l'Antiquité, c'est le statut social qui compte d'abord, et on a des pratiques sexuelles en fonction de son statut social et en fonction d'une norme. On essaie d'encadrer la sexualité par des normes. Ça, c'est propre aux hommes. C'est ce qui fait la différence entre la sexualité humaine et animale. Ces normes pour encadrer, réguler les pratiques sexuelles. Alors, dans l'Antiquité romaine, cette sexualité, elle est phallocratique, phallocentrée. Ce sont des représentations phallocratiques, on pourrait dire aussi virilistes, avec toujours un homme dominant qui pénètre trois orifices, le vagin en général de son épouse, ou encore la bouche ou l'anus d'esclaves des deux sexes, hein, et de prostituées des deux sexes. Donc c'est comme ça qu'on définit la sexualité, les sexualités dans l'Antiquité. Il y a une sexualité d'homme dominant, de dominus par rapport à ses esclaves, de wir, d'homme viril. Il y a une sexualité de matrone aussi, de femme, d'épouse. Une sexualité, il s'agit surtout d'avoir des enfants, et une sexualité d'esclave, auquel on impose ce qu'on qualifierait aujourd'hui de viol, mais ce qui n'est pas vu dans l'Antiquité. comme une violence, parce qu'on considère que c'est normal. L'homme libre profite, exploite son bien privé, son esclave ou ses esclaves sexuels. Attention à ne pas plaquer nos représentations effectivement sur l'Antiquité, Géraldine Puccini. Oui, le vocabulaire, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, le vocabulaire latin dit bien qu'il y a trois types de pénétration. Pénétration du vagin, pénétration anale, pénétration par pénétration de buccale. Et juste dans cette norme qui nous intéresse, si nous partons de la pénétration. Vous nous avez dit, Géraldine Puccini, que la norme est l'homme citoyen libre. Et donc, la norme sexuelle, c'est la pénétration vaginale par un citoyen libre de son épouse. Voilà, ça, c'est ce qui est complètement la base de la sexualité régulée. Ça, c'est la base de la sexualité dans le cadre du mariage, un mariage avec donc une femme. Mais comme l'a dit Monsieur Schwenzel, l'homme marié peut avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires. Dans le cadre du mariage, donc, il n'est pas possible d'imaginer la sodomie. Ça, c'est pas possible avec son épouse, parce que c'est complètement hors des représentations que peuvent avoir les citoyens romains. Elle n'a pas à pratiquer ni la fellation, ni elle n'a pas à être sodomisée non plus. Non. Mais ces pratiques existent. Dès lors, le citoyen romain va les trouver à l'extérieur, c'est bien cela. Ou à l'intérieur avec des esclaves. Avec ses propres esclaves, oui. Il fait ce qu'il veut avec ses propres esclaves. Et il n'est évidemment nullement condamné. Il est légitimement en droit de profiter de ses esclaves. Mais avec une certaine modération, quand même. L'hypersexualité est mal vue. C'est un peu un régime sexuel, en quelque sorte. C'est comme avec la nourriture ou le vin, la boulimie n'est jamais bien vue. Alors il faut manger avec modération, boire avec modération et pénétrer avec modération. Dans ces représentations, Géraldine Puccini, tout doit être fait avec modération. Oui, tout à fait. Je voudrais lire un petit extrait d'une comédie de Plaute, hein, quelques vers qui disent bien ce qui est licite ou ce qui n'est pas licite pour un homme. C'est un esclave qui explique à son jeune maître ce à quoi il a droit. Voici l'extrait. « Pourvu que tu t'abstiennes de femmes mariées, de veuves, de vierges, de jeunes hommes et d'enfants de conditions libres, aime tout ce qu'il te plaît. » Donc la société repose en fait sur une monogamie, mais sur une polygamie en réalité. Avec un certain nombre de partenaires qui sont indisponibles sexuellement, enfin qui ne peuvent pas être des partenaires pour le citoyen, c'est-à-dire les femmes des autres citoyens, dans ce cas il y a adultère, ou les filles encore vierges. Des autres citoyens qui ne sont pas encore mariés, parce que dans ce cas-là, il y aurait aussi adultère. On parle aussi d'adultère pour la fille qui aurait perdu sa virginité dans les bras d'un amant avant le mariage. Christian-Georges Schwenzel, vous nous avez parlé des représentations. La représentation, c'est un mot magnifique parce qu'il a plusieurs sens. Il y a la représentation, c'est-à-dire la construction imaginaire d'une réalité. Et puis, il y a aussi la représentation, et dès que nous parlons d'antiquité romaine, eh bien cela est pertinent. La représentation, ce que l'on voit, ce qui est représenté sur les murs de Pompéi. Nous voici dans la maison du centenaire, la maison d'un riche pompéien, un bon vivant, un homme qui voulait être à la page, à la mode, qui voulait vivre dans le raffinement propre aux classes supérieures de la société romaine. À l'intérieur de cette chambre, des peintures érotiques bien sûr, et sur l'un des murs, une étrange lucarne. Regardez, il est fort probable que ce trou servait d'emplacement à un petit tableau. Ce tableau, il était placé par un esclave qui se trouvait ici, dans cette antichambre. Il attendait l'ordre de son maître pour le disposer dans cet espace. Il avait plusieurs tableaux à sa disposition. De l'autre côté, le maître ouvrait les petits volets de la lucarne et à tour de rôle, il découvrait alors, aux côtés de sa compagne, les scènes érotiques. En fait, il n'y a rien de nouveau. Nous avons les films pornographiques, eux, ils avaient ces petits tableaux qui avaient le même objectif. L'archéologue Antonio Varone, qui s'exprimait dans l'émission Des Racines et des Ailes en 2003, Christian-Georges Schwenzel, c'est vrai que nous sommes héritiers de cette représentation, celle des représentations à Pompéi. Nous imaginons une présence d'allusions sexuelles dans la ville. Comment expliquer ces représentations érotiques des couples? Déjà, faudrait savoir où elles apparaissent. Oui, ça dépend effectivement du lieu où elles apparaissent. Et alors, l'interprétation parfois a pu faire l'objet de débats, parce qu'on ne peut pas placer toutes ces représentations érotiques ou pornographiques au même niveau. Dans le bordel de Pompéi, le lupanar de Pompéi, vous avez des fresques publicitaires en quelque sorte, hein, qui vantent les prestations proposées par les prostituées. La fellation, pas vraiment, parce que c'est un peu bas de gamme, c'est pas très cher. C'est plutôt la pose notamment de l'ecus eroticus, hein, ou de la venus pandula, c'est-à-dire la prostituée prend position, elle est accroupie sur le sexe de l'homme qui est étendu, et elle bouge, elle fait une espèce de mouvement pendulaire. Alors ça, c'était une des poses les plus recherchées et les plus chères. Donc dans ce cas-là, dans le lupanar, c'est de la promotion, hein, pour les prestations des prostituées. Mais on a aussi d'autres fresques qui montrent, au contraire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors ça, c'est le cas, par exemple, dans les termes dits suburbains, parce qu'ils se trouvent au sud de Pompéi, et on a là, par exemple, dans l'apoditerium, c'est-à-dire à l'endroit où les visiteurs laissaient leurs affaires, la représentation d'un cunnilingus. On voit un homme à genoux qui est en train de lécher la vulve d'une femme qui écarte les cuisses, qui a l'air heureuse et triomphante, enfin dominante. Et alors là, par rapport au code de la phallocratie de l'époque, c'est tout l'inverse. Hein. C'est une fresque ironique, c'est une fresque humoristique pour déclencher le rire et pour montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire, donner du plaisir à une femme, surtout que cette sexualité, elle est phallocentrée. Quand on n'utilise pas son phallus pour pénétrer, on n'est pas un homme dominant, on est un esclave. Et il y a là donc un message moral, d'une certaine manière, par rapport à la morale sexuelle. Alors il y a une autre fresque qui est très intéressante également, toujours dans ces termes suburbains de Pompéi. On voit un groupe de trois partenaires. Une femme qui est pénétrée par un homme, et l'homme est en sandwich. Parce qu'il y a un autre homme qui est là et qui sodomise l'homme qui pénètre la femme. Alors là aussi, c'était pour déclencher le rire de toute évidence, mais il y a aussi sans doute un message moral. On peut supposer qu'en fait, l'homme, c'est l'homme qui rentre à la maison, il surprend sa femme au lit avec son amant et il sodomise l'amant de sa femme. Il en fait un kinae dous. C'était une des pires insultes en latin qu'on peut traduire par enculé aujourd'hui. Donc il sodomise l'amant de sa femme pour le dégrader, pour lui faire perdre sa virilité. Et pour les Romains, quand on a été sodomisé une fois, on perd pour toujours sa virilité. Et donc on a aussi donc ce type de fresque. On peut dire que c'est un peu l'arroseur arrosé ou le pénétrant pénétré en quelque sorte. Géraldine Puccini, dans tout ce que nous entendons, il y a la virilité toujours mise en avant, il y a cette phallocratie évidente. C'est la grille de lecture qu'il faut avoir pour comprendre toutes ces représentations antiques. Oui, je pense en effet que le citoyen est vraiment la norme par rapport à laquelle se construisent tous les autres groupes. Donc c'est vraiment une société patriarcale, phallocentrée, à une sexualité qui détermine des corps dominants et des corps dominés. La norme, c'est un mâle pénétrant, une femelle pénétrée, et le mâle pénétré est la femelle pénétrante sont des modèles déviants. Et pour rebondir sur les représentations érotiques qu'on a retrouvées dans les termes suburbains de Pompéi, j'ajouterai une troisième fresque absolument incroyable, parce que c'est un cas sans précédent. On a retrouvé donc la représentation unique, en tout cas pour l'instant, de deux femmes Donc la représentation de ce que nous appelons l'homosexualité féminine est certainement la représentation la plus transgressive, la plus subversive, la plus odieuse dans cette société, et elle est effectivement représentée de manière exceptionnelle dans ces termes. Ces représentations se trouvent dans le vestiaire, et on a retrouvé ces fresques au-dessus de chaque casier où les clients... Oui, avec un numéro de casier, voilà, d'ailleurs. Les clients viennent déposer leurs vêtements, donc c'est peut-être aussi un moyen de retrouver plus facilement son casier. Il y a une pornographie mnémotechnique aussi. Voilà. Enfin, ces diverses interprétations ne s'excluent pas. Et effectivement, oui, il y a cette scène extraordinaire où on voit, alors c'est une femme à genoux qui lèche la vulve d'une femme, mais qui elle-même suce le sexe d'un homme qui est sodomisé par un autre homme. Et c'est l'homme qui sodomise, qui est complètement sur la gauche, qui est le vainqueur, le victor, le vir, l'homme dominant. Il lève d'ailleurs le bras droit pour signifier qu'il jouit. Hein, c'est vu un peu comme une bataille, un combat. Les trois sont infâmes, le quatrième, c'est le vainqueur. Très pertinent d'évoquer l'homosexualité féminine, parce que nous avons, alors là aussi, héritier de représentations mais très tardives, l'image de lesbos, l'homosexualité féminine dans l'Antiquité grecque, mais ça c'est une construction tardive dans l'Antiquité romaine. Vous venez de nous dire que c'est complètement en marge, Géraldine Puccini. Oui, c'est une pratique extrêmement décriée. Dans la littérature, les représentations de sexualité féminine se trouvent chez les poètes satiriques essentiellement. Donc il y a une caricature très très violente dans un certain nombre d'épigrammes chez Martial, dans la satire 6 de Juvénal. Je dirais que c'est le comble de la transgression, c'est le comble de l'horreur. Oui, c'est l'adultère, dit Martial, sans même la présence d'un ouïr. C'est ce qu'il dit à propos d'une certaine Bassa, qui a des relations sexuelles avec une femme. Elle, dit-il, elle pratique le cunnilingus. Elle est adultère sans même qu'il y ait un homme. Un homme. Voilà. Et si c'est si transgressif, c'est que dans le couple de femmes, il est considéré qu'une femme joue le rôle de l'homme, ce qui est absolument impensable. Oui, c'est une usurpation du rôle viril. Voilà, elle contrefait l'homme, on ne pense pas autrement le couple de deux femmes. Il y en a forcément une qui usurpe le rôle masculin, ce qui est impossible. La sexualité antique entre plaisir et contrainte. Hey, France Culture. J'ai rien sous ma toge. Pardon ? J'ai tout viré, je suis complètement à poil là-dessous. Le cours de l'histoire. Alors juste deux secondes, parce que là je suis sur quelque chose de très important et je voudrais le finir pendant que c'est encore un peu frais dans ma tête. Xavier Mauduit. Nous recherchons comment se construit l'imaginaire de cette sexualité antique, et il est évident que nous voyons comment se mettent en place des normes. Mais l'historien, l'historienne, ou vous aussi Géraldine Puccini, parce que vous êtes maître de conférence en langue et littérature latine à l'université Bordeaux-Montaigne, vous appuyez sur des textes, le texte à la base du travail, à la base de la recherche. Allons à la rencontre de Lucrèce. Le désir pervers de souiller Lucrétia de force s'empara de Sextus Tarquin. À l'insu de Colatin, il se rendit à Colatia, escorté d'un seul homme. Après le repas, il fut conduit dans la chambre réservée aux hôtes. Il brûlait d'amour, et quand il crut qu'il ne risquait rien et que toute la maisonnée dormait, il dégaina son glaive et vint auprès de Lucrétia endormie. De sa main gauche, il pressa le sein de la femme. « Silence, Lucrétia, dit-il. C'est moi, Sextus Tarquin. » J'ai un glaive en main. Tu mourras si tu cries. La femme s'était éveillée, paralysée de frayeur, et ne voyait aucun moyen d'échapper à la mort qui la menaçait. Alors Tarquin de lui avouer son amour, de la supplier, de mêler menaces et prières, tiraillant ce cœur de femme dans tous les sens. Mais il la voyait toute décidée à se refuser. même la peur de la mort ne la faisait pas céder. Comme si sa passion triomphait, il vint à bout de la pudeur qu'elle s'obstinait à préserver. Il s'en alla tout fier d'avoir pris l'honneur d'une femme assiégée. Abattue par un si grand malheur, Lucrezia envoie le même messager à Rome, à son père et à Ardée, à son mari. Ils trouvèrent Lucrezia assise dans sa chambre. Affligée, elle fondit en larmes à l'arrivée des siens. « Seul mon corps a été violé. Mon cœur est pur. Ma mort en témoignera. » Sous ses habits se dissimulait un couteau. Lucrezia s'en frappa en plein cœur. Elle s'affaissa sur sa blessure et tomba mourante, au milieu des cris de son mari et de son père. Sandy Boisard, dans le cours de l'histoire, qui lisait cet extrait de Tite Live, hein, l'histoire de Rome depuis sa fondation, c'est le suicide de Lucrèce. Géraldine Puccini, dans cet extrait, alors nous avons une figure fantastique, nous sommes aux origines de Rome, nous sommes dans ce monde très particulier des premiers temps de Rome, se met en place cette figure de Lucrèce qui dit que son corps a été souillé, mais que son cœur est pur. Cela est-il possible? Nous sentons que le corps est essentiel à l'individu lui-même au cœur de la société. Oui, tout à fait. Donc nous sommes précisément en 509 avant Jésus-Christ, avec une femme de l'aristocratie, de la très haute aristocratie, qui est mariée, donc une épouse aristocrate, qui va être violée par le fils du dernier roi de Rome, le fils du roi Tarquin le Superbe. Et cet événement va être vécu de manière dramatique parce qu'il va avoir des conséquences néfastes non seulement pour la femme violée, mais aussi pour la cité tout entière dont les structures politiques vont changer, puisque à la suite de ce viol d'une épouse, la famille royale va être exilée et donc la royauté va être terminée. Vont se mettre en place les structures de la République. Donc à ce viol va succéder un changement politique énorme. Pourquoi ? Parce que le corps de l'épouse, c'est un corps qui doit rester pur. La pureté sexuelle de l'épouse est essentielle. C'est la raison pour laquelle un des plus grands tabous dans cette société, c'est l'infidélité féminine. La notion d'infidélité, d'ailleurs, n'existe pas pour les hommes. Voilà, l'infidélité existe pour les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il faut garantir la pureté de la descendance. Il faut garantir des enfants légitimes. Donc, Lucrèce, une fois violée, ne peut plus garantir à son époux cette pureté. Donc son corps, il a été souillé. On pense même que dans ces lointains siècles de la Rome antique, la souillure contractée par une femme était physique. C'est-à-dire que un homme qui avait des relations sexuelles avec elle laissait son empreinte dans le corps féminin. On pensait que le sperme de l'homme se mélangeait dans le corps féminin, qu'il y laissait une trace. Donc une souillure physique qui deviendra ensuite, évidemment, à époque classique, une souillure morale. Mais lorsque Lucrèce dit à son époux qu'il y a des traces d'un autre homme dans son lit, on peut penser qu'il y a sous-jacent cette idée de souillure physique qui n'est absolument plus possible pour Lucrèce. Et donc, elle va choisir de se suicider et elle va devenir vraiment l'exemplum de la matrone idéale que l'on met sur un piédestal, celle qui préfère sa pureté plutôt que de conserver une vie honteuse. Et c'est une belle histoire édifiante que les Romains devaient raconter, ou les mamans à leurs filles. Hein. Voilà, Lucrèce, elle a été violée, ce n'est pas de sa faute, hein, évidemment, mais elle préfère quand même se suicider. Oui, parce que nous avons ici, à travers un texte, quelque chose d'extrêmement, alors j'utilise le mot moral, mais ce mot est complexe, il est significatif, il veut dire quelque chose, il traverse le temps. Christian Georges Schwenzel, juste, quand nous lisons les textes antiques, y a-t-il beaucoup d'allusions à la sexualité, au sens où, dans d'autres cultures, tout ce qui est sexuel est un peu caché ou réservé à un domaine, celui de la pornographie. Dans l'Antiquité romaine, vous disposez de nombreuses sources. Oui. Alors, il y a les sources littéraires, tout d'abord. Il y a notamment des historiens comme Suétone, qui nous racontent la sexualité de certains empereurs romains monstrueux, comme Tibère, Caligula, ou encore Néron, pour Suétone. Il y a aussi des poètes qui parlent de sexe et d'amour, comme Ovide, qui a écrit L'art d'aimer, qui est un chef-d'œuvre de la littérature érotique latine. Et puis, il y a aussi des médecins, comme Soranos d'Éphèse, par exemple, qui était un grand gynécologue du IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, ce qu'on peut dire peut-être, c'est par rapport à aujourd'hui, la pornographie est vue comme honteuse. Ce n'est pas le cas dans l'Antiquité. Alors, ça ne veut pas dire que les Romains sont des obsédés sexuels, pas du tout. Ils ont une morale très stricte et très contraignante, mais la pornographie est vue comme quelque chose de, comme on dit, prophylactique, apotropaïque, c'est-à-dire que c'est bénéfique, ça chasse le malheur, ça écarte le mal. Et ça, c'est une conception qu'on n'a plus du tout, me semble-t-il, aujourd'hui. Oui, parce que au moment d'évoquer la sexualité antique, bien sûr, il y a nos représentations, il y a le travail des historiens, et puis il y a les mises en garde aussi des historiens. Écoutez Paul Venn qui discute avec Laure Adler. Comment ça, Je veux dire que Fellini fantasme les Romains comme il les souhaite, et les Romains se fantasmaient eux-mêmes tels qu'ils auraient aimé être. Mais d'orgie à Rome, je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup. Franchement, pas beaucoup. Non. Mais comment le savez-vous ? Par tout le reste de leurs textes, et par la timidité sexuelle qu'on sent dans tous leurs écrits. Non, une espèce de liberté de langage et de mœurs, ça commence au XVIIIe siècle, mais pas chez eux. C'est très pudibond, leur monde. Donc on nous a raconté des histoires, mais complètement, alors. Complètement, c'est des fabulations. Mais comment le savez-vous ? C'est ça qui est incroyable. Mais par la masse de leurs textes, dans les scènes de Lupana, et Dieu sait s'il y en a, la dame n'enlève pas son soutien-gorge. Et soutien-gorge ne tombe pas. Ça n'empêche rien. Elle enlève, il faut bien qu'elle enlève le bas, comme on dit. Sans ça, évidemment. Mais quelquefois, avec le haut et le bas, ça peut être aussi bien et plus excitant. Oui, non, mais c'est pas pour ça. C'est pour une raison de pudeur. Non, ils sont très, très pudibonds. Parce que nous-mêmes voyons des quantités de films pornographiques, mais il est rare que dans notre vie, nous vivions les scènes pornographiques des films. Tout ça, c'est de l'imaginaire. C'est du titillement, de la titillation imaginaire. Mais ils ne le vivaient pas. Titillation imaginaire, Paul Venn avec Laure Adler dans les grands entretiens du Cercle. C'était sur France 2 en 1998. Géraldine Puccini, vous avez écrit La vie sexuelle à Rome. Dans cette analyse de la vie sexuelle à Rome, il y a un peu tout ce que dit Paul Venn, c'est-à-dire que, mais c'est un excellent historien, tout doit être contextualisé, tout doit être réfléchi et tout fait sens. Par exemple, sur le détail de ne pas se dévêtir entièrement. Ici, nous avons quelque chose d'extrêmement pertinent. La nudité elle-même est un vrai problème pour les Romains de l'Antiquité. Oui, tout à fait. La nudité est un vrai problème. Il y a plusieurs interdits qui concernent les rapports sexuels. La nudité, normalement, on fait l'amour en gardant ses vêtements. L'interdit de la lumière, on doit aussi faire l'amour dans l'obscurité. L'amour est un mystère qui doit être caché, qui doit être préservé. Ce que dit Paul Venn est juste, mais on pourrait quand même aussi un petit peu le nuancer, c'est-à-dire que dans la littérature latine, on se rend compte que l'amour et le désir sont présents dans tous les genres littéraires. Dès les premières comédies de Plaute, l'amour est au cœur de la comédie latine. Dans l'épopée, il y a de grandes histoires d'amour. Pensons à l'amour entre Didon et Énée. Simplement, l'expression littéraire va être effectivement discrète. Elle va se faire allusive. Entre Didon et Énée, on n'évoquera que quelques baisers. On n'ira jamais plus loin. Il faut attendre la fin de l'époque républicaine, l'époque augustéenne, pour que émerge la notion d'individu. Et l'éclosion de pratiques littéraires qui vont vraiment venir bouleverser le champ de la littérature, la poésie érotique élégiaque et ce dont nous n'avons pas encore parlé, les romanciers comme Pétrone et Apulée, qui ont fait une analyse psychologique de l'amour sous toutes ses facettes d'une manière extrêmement poussée et subversive. On trouve quand même chez Apulée une scène de zoophilie. On trouve des scènes érotiques extrêmement poussées entre le narrateur et une esclave. Mais pourquoi justement est-ce possible ? Parce qu'il ne s'agit pas d'amour conjugal. La représentation littéraire de l'amour et de la sexualité va pouvoir éclore en gros à partir de la fin du 1er siècle avant notre ère parce que nous sommes dans des relations extra-conjugales. Christian Georges Schwenzel, vous êtes historien, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Lorraine. Vous avez écrit Le nombril d'Aphrodite, une histoire érotique de l'Antiquité. Oui, pénétration vaginale, pas beaucoup de lumière, la femme, l'homme aussi doivent garder leurs vêtements sans doute, mais tout le reste est autorisé, mais ailleurs. Oui, mais alors il faut dire aussi une chose, c'est que ça c'est la norme, encore une fois, ce sont des représentations. Que faisaient les gens réellement dans leur cubiculum ? On n'en sait rien du tout. Enfin, donc c'est jamais la sexualité réelle que l'on peut appréhender. Enfin, c'est les représentations de la sexualité. Et alors moi aussi je suis tout à fait d'accord avec Paul Vane, mais alors peut-être sur la question de ce strophium, c'est-à-dire l'ancêtre du soutien-gorge, est-ce que c'est pudique ? Non, là je pense que Laura Adler a plutôt raison. Le strophium est toujours jaune, doré, rouge, les couleurs sont vives. C'est un excitant, de toute évidence. Les prostituées sont nues, accroupies sur le sexe de l'homme. Elles gardent leur strophium, peut-être aussi pour cacher des poitrines considérées comme imparfaites. Et autre hypothèse peut-être aussi, c'est que les Romains n'accordent pas une grande importance au sein, comme à l'érotisme de la poitrine féminine, peut-être parce que pour eux, c'est lié à la maternité. Par contre, les cuisses, les hanches, les fesses sont vraiment bien mises en valeur sur ces fresques érotiques. Et puis alors, peut-être ce qu'on peut dire aussi sur la sexualité dans l'Antiquité, parce qu'elle fait beaucoup fantasmer. Elle a fait fantasmer Fellini avec le Satyricon. On fantasme beaucoup sur cette thématique aujourd'hui encore, mais c'est pas nous les responsables, c'est les Romains eux-mêmes. C'est Pétrone qui a écrit le Satyricon, Apulée, on vient d'en parler. Donc les Romains eux-mêmes, malgré cette morale contraignante, ou peut-être parce que leur morale justement était contraignante, ont fantasmé sur cette sexualité. Suétone, c'est le cas aussi chez Suétone, qui décrit les orgies réel ou prétendu, de certains empereurs romains. Caligula fait l'amour avec ses sœurs. Donc, il pratique l'inceste, en public même, lors d'orgies qu'il organise au palais. Messaline, l'impératrice épouse de Claude, est présentée comme une nymphomane qui fait le choix, soi-disant, alors ça c'est chez Juvénal, d'aller se prostituer dans les bas-fonds de Rome. Elle va retrouver la nuit sa cellule dans le quartier de Subure et elle se fait pénétrer toute la nuit. Le lendemain matin, elle rentre au palais et elle n'est toujours pas satisfaite. Donc on a dans les sources latines tous ces fantasmes érotiques qui sont extrêmement présents et qui font que aujourd'hui encore, évidemment, nous associons les Romains à la sexualité. On se demande si les Romains étaient des obsédés sexuels. Certainement pas. Certainement pas, et surtout pas la même sexualité que nous, au sens où la même sexualité telle que nous l'entendons. France Culture, le cours de l'histoire. Qu'est-ce que ça peut faire, Vénus aussi avait une coquetterie dans l'œil. Xavier Mauduit. Bah, c'est un petit clin d'œil au Satyricon de Fellini, le film de 1969. Et au moment d'évoquer la sexualité dans l'Antiquité, il est nécessaire de toujours laisser la parole aux sources, les Métamorphoses d'Apulée. Attirée par le charme de ces beaux lieux, et bientôt elle s'enhardit à franchir le seuil. Ce qu'on ne trouve pas là n'existe nulle part sur Terre. Psyché ne voit personne. Elle entend seulement des voix. Ce sont ces voix qui la servent. Enfin, au milieu de tant de plaisirs, le soir vient. Et Psyché, que l'heure invite au repos, se retire dans son appartement. Déjà la nuit avançait. Un bruit léger vint frapper son oreille. La jeune Vierge s'inquiète alors de sa solitude. Sa pudeur s'alarme, elle frémit, elle craint d'autant plus qu'elle ignore. Mais déjà l'époux mystérieux est entré. Il a pris place et Psyché est devenue sa femme. Au premier rayon du jour, il a disparu. Boisard dans le cours de l'histoire qui lisait cet extrait des Métamorphoses d'Apulée. Nous sommes au deuxième siècle de notre ère, Géraldine Puccini, avec ce texte. C'est étonnant d'entendre combien l'homme sait ou est censé savoir et elle ne sait rien. D'ailleurs, c'est quelque chose qui traverse les siècles, ça. Oui, c'est un très beau mythe qui est raconté ici. C'est la première attestation littéraire que nous ayons du mythe de Psyché et de Cupidon. Et c'est un texte très particulier parce que c'est, à ma connaissance, le seul texte qui exprime la peur de la jeune fille au moment de son premier rapport sexuel. Il est évident que Psyché n'a pas été préparée par ses parents, par sa mère, à cette initiation sexuelle. Difficile de savoir ce qu'il en était dans la réalité. Comment les jeunes filles étaient-elles préparées? Étaient-elles d'ailleurs préparées? Y avait-il une éducation sexuelle pour les jeunes filles? Probablement très peu, vu que les femmes sont vraiment exclues de la sphère de la sexualité et du désir. On apprend aux petites filles, je dirais, les vertus de l'effacement, de la discrétion, de la retenue, du silence. Il faut savoir baisser les yeux quand on parle de sujets qui abordent un terrain dont on voulait les préserver. En revanche, l'initiation sexuelle des jeunes garçons avant le mariage était tout à fait possible et tolérée auprès de courtisanes, auprès de prostituées. Il est évident que pour les jeunes filles, l'éducation ne devait pas vraiment les préparer. Et pourtant, c'est le grand moment, c'est le grand événement de leur vie parce qu'elles sont élevées pour être mariées et devenir mères. Dans cette lecture de la sexualité de l'Antiquité, Christian-Georges Wenzel, nous entendons bien que la norme, l'idéal, c'est le couple, sans lumière, pénétration vaginale, la jeune fille ne sait rien et elle découvre. Et qu'à côté de cela, il y a cette sexualité autorisée auprès des esclaves, auprès des prostituées. À quel moment, et j'imagine que l'Église va rentrer en compte, tout cela est renversé? Parce que beaucoup d'éléments que l'on a évoqués semblent être conservés dans une lecture chrétienne de la sexualité. Oui, alors il y a quand même une rupture radicale avec le christianisme. D'une certaine manière, certains disent parfois à juste titre qu'il y a une forme de continuité entre la morale de la tempérance du deuxième siècle après Jésus-Christ, chez certains philosophes comme les stoïciens, et la morale chrétienne. Mais la morale chrétienne est quand même radicale. C'est-à-dire qu'avec le christianisme, tout érotisme, toute pornographie est condamnée. Et il y a une méfiance à l'égard du corps, un mépris du corps. La seule concession chez saint Paul, c'est quoi? C'est le mariage. On peut se marier avec une femme, une seule femme, et il est interdit de se remarier avant la mort de sa femme. Il y a une extension très originale chez les chrétiens de l'idée d'adultère aux hommes. Alors ça, c'est une rupture radicale. Les hommes sont adultères. S'ils vont voir une prostituée, et même, comme le dit Jésus lui-même dans les évangiles, celui qui répudie sa femme pour en épouser une autre est adultère. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que celui qui, simplement par la pensée, convoite une autre femme que la sienne, la femme du voisin, est déjà adultère aussi. C'est ce que dit Jésus dans les évangiles. Donc c'est même pas en rêve, en quelque sorte. Et alors, la conséquence, ça a été, par exemple, le célibat des prêtres, qui va se mettre progressivement en place à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge. C'est la conséquence logique de ce mépris de la chair, ou encore tous ces chrétiens qui vont prendre la fuite dans le désert pour, soi-disant, pense-t-il, se mettre à l'abri des tentations de la chair avec plus ou moins de succès. Cette histoire de la sexualité dans l'Antiquité romaine, je voulais évoquer cette chronologie, mais vous l'avez également fait l'un et l'autre. Nous parlons de l'Antiquité comme d'un tout. Il y a des évolutions, vous l'avez dit, Géraldine Puccini, au 1er siècle de notre ère, nouvelle évolution. Dans cette longue histoire, il y a ce rôle, cette place laissée aux femmes. Et à vous écouter, nous sentons que la notion même de plaisir semble très en marge, en tout cas à l'intérieur du couple, pour le plaisir féminin. Oui, le plaisir féminin a du mal à se faire au jour hein, dans cette littérature, je ne vais pas dire dans la société, parce qu'effectivement, nous n'en savons rien. Il est monstrueux, le plaisir féminin, en général. Oui, Ovid dit que le désir féminin est plus violent et plus fou que le nôtre. Enfin, sauf chez Ovid, qui, d'une certaine manière, il retourne ses codes de la phallocratie et il parle, lui, de plaisir féminin. Il est le seul à parler du plaisir féminin et à dire, dans le livre 3 de l'Art d'aimer, qu'il ne veut pas d'une jouissance solitaire, mais qu'il voudrait une jouissance partagée, qu'il faut que le partenaire sache attendre sa partenaire pour une jouissance partagée. C'est un magnifique texte, parce que c'est le premier dans notre littérature occidentale à évoquer explicitement le plaisir féminin. Et on a une sorte de scénario érotique nouveau avec un couple. Ils se font plaisir tous les deux. Et parfois même avec les rideaux ouverts et à la lumière, dans certains poèmes d'Ovid. Mais est-ce que, la question justement qui peut se poser pour les historiens ou les chercheurs, est-ce que Ovid est sérieux? Qu'est-ce qui correspond à la réalité? Est-ce que c'est du vécu? Est-ce qu'il est ironique? Est-ce que c'est de l'humour? Enfin, en tout cas, il a quand même été exilé par l'empereur Auguste. Donc c'est que son œuvre a quand même été jugée elle est subversive. Beaucoup de fantasmes sur la sexualité antique, mais beaucoup de fantasmes ou de représentations qui viennent des Romains eux-mêmes. Dès lors, cette histoire est complexe. La peau est un peu sèche. Huilez-le avant de l'offrir. Oh, c'est pas vrai. Je n'ose pas demander. Un cadeau pour Servilia? Pourquoi tu fais un cadeau à Servilia? Cette vieille chouette est en bon terme avec Caton et sa bande. Quand César et ce chien de Marc-Antoine seront vaincus... Si, ils sont vaincus. Quand ils seront vaincus, on aura besoin de son amitié. Et c'est comme ça que tu veux l'acheter? Oui, ça me paraît bien. Un gros pénis, ça fait toujours plaisir, tu crois pas? Tu crois que ce ne sera pas suffisant? Après ce que tu lui as fait. Mais quoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je t'en prie, je ne suis pas stupide. Tu as tout fait pour que César renonce à elle. Et alors, qu'est-ce que ça change? Elle en sait rien? Mais enfin! Ne crois surtout pas qu'elle est idiote. Servilia n'est pas quelqu'un de rusé. Si elle le savait, nous en aurions entendu parler. Tu connais bien ça, c'est vrai. Oh, quoi qu'il en soit, tu vas lui apporter ce cadeau. Ce cadeau, c'est un gros pénis. Un gros pénis, ça fait toujours plaisir. C'est ce que nous entendons dans la série Rome. Géraldine Puccini, là aussi, alors évidemment, nous sommes dans ce jeu de représentation sans cesse, mais est-il imaginable qu'une telle scène ait pu se produire? Des femmes qui désirent du plaisir, alors en l'occurrence, là, avec un esclave? Ah non, ça c'est l'interdit, c'est un des interdits majeurs également de la société romaine. Une femme de condition libre ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un esclave, alors qu'on a vu qu'un homme de condition libre peut jouir de ses servantes et de ses esclaves de sexe masculin comme bon lui semble. C'est une double déchéance pour la femme. Il y a un problème de statut social. Une femme de condition libre, ne peut pas s'abaisser à avoir des relations sexuelles avec un esclave. C'est vraiment le déshonneur le plus complet. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Lucrèce violée par le prince, il la menace, si elle ne cède pas à ses avances, de déposer le cadavre d'un esclave à côté d'elle pour qu'on pense qu'elle a commis l'adultère avec un esclave. Et c'est cette menace qui va faire que Lucrèce va se laisser violer. Donc c'est vraiment le déshonneur le plus complet. pour une femme. Mais cela dit, on ne peut pas savoir ce qui se passait réellement dans les demeures, et de toute évidence, c'est quand même probable, il est probable que certaines femmes aient profité, avec la complaisance de leur mari ou devenues veuves, des plaisirs sexuels que leurs esclaves pouvaient leur procurer. Il est question chez Martial et Juvénal de ces plaisirs de matrones. Les matrones pouvaient se faire pénétrer par des esclaves sexuels castrés, ce qui leur évitait de tomber enceinte. Martial parle d'une matrone qui se faisait lécher par un esclave, qui en vomissait, dit-il, tous les matins. Enfin, ça, c'est l'esclave. Pas la matrone. Donc, certaines femmes jouaient sans doute ce rôle et profitaient de ces services sexuels des esclaves. Et alors, peut-être que la preuve qu'il y ait eu justement cette sexualité de matrone avec des esclaves, c'est un décret de l'empereur Claude dans les années 40 qui rappelle aux matrones leur devoir de chasteté en interdisant les relations sexuelles avec des esclaves. Mais on se rend bien compte que l'État romain n'a pas de police des mœurs, on ne peut pas aller surveiller ce qui se passe dans l'espace privé, et en plus, on violerait, en quelque sorte, l'État n'a pas à entrer dans le domicile privé. L'esclave, c'est la propriété de son maître. Le maître fait ce qu'il veut avec son esclave. Donc, une femme peut être poursuivie, condamnée, si elle viole l'esclave d'un autre, un esclave qui serait de passage chez elle. Mais dans ce cas-là, elle peut aussi discuter avec le propriétaire de l'esclave et lui proposer une compensation, puisqu'elle a abusé du bien d'autrui. Plaisir évident de la sexualité dans l'Antiquité, parce que la sexualité conduit au plaisir, la sexualité est là. La question qui se pose, j'ai l'impression, c'est pour qui le plaisir, et que bien souvent l'ensemble est construit pour un plaisir masculin, un plaisir viril, mais de citoyen libre, Géraldine Puccini. Oui, le plaisir comme le désir sont des prérogatives du masculin. Et voilà, il faut attendre Ovid et son art d'aimer pour enfin reconnaître une place au plaisir féminin. Et puis, toujours dans cette lecture de la sexualité, une lecture historique, Christian-Georges Wenzel, c'est une image de la société qui s'imprime profondément dans la sexualité, le rôle des uns des autres. Voilà, c'est ce qui est vraiment, justement, historique, et ce qui est passionnant pour les historiens. C'est, encore une fois, c'est pas cette sexualité, mais ces représentations de la sexualité qui évoluent, qui varient, et qui nous en disent beaucoup sur une époque et sur les représentations sociales d'une époque. Les textes nous indiquent des normes, des idéaux, des fantasmes véhiculés dans la conscience ou l'inconscient collectif et non pas une réalité. C'est pour ça que partir des textes pour dégager une réalité, c'est extrêmement difficile. Il faut être très prudent avec ces textes. On peut faire de nombreux contresens. Voilà, nous pouvons dégager des normes. La norme pour une femme, c'est d'une femme de condition libre, c'est de ne pas avoir de relation avec un esclave. Comme vous l'avez très bien dit, après, ce qui se faisait dans la réalité... Ah oui, difficilement de savoir. Oui. C'est impossible. Mais comme à toute époque, il y a des normes, on énonce des normes, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va les respecter. Et avec cette idée, mais qui là aussi est valable tout le temps, plus ces normes sont énoncées et répétées, moins elles sont respectées, sinon on ne répéterait pas. Et même la transgression peut être d'autant plus excitante, comme le disait Georges Bataille. Oui, bien, on voit d'ailleurs que les normes sont très strictes et rigides, mais qu'en réalité, les pratiques sont très très souples. Vous nous rassurez, merci beaucoup à tous les deux, Géraldine Puccini. La vie sexuelle à Rome, c'est passionnant. Et vous, Christian-Georges Wenzel, Le nombril d'Aphrodite, une histoire érotique de l'Antiquité, c'est passionnant aussi, et surtout dans les deux cas, c'est éclairant, bien loin de tous les clichés. Merci à tous les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. À quoi ça sert de compter les morts? Les historiens s'intéressent à l'évolution des populations depuis longtemps. Pourtant, c'est seulement à partir des années 50 qu'est apparu ce nouveau domaine de recherche qu'on appelle la démographie historique. La France, grâce à l'école des Annales, a joué un rôle pionnier dans ce domaine sous l'impulsion de Louis Henry. Ce polytechnicien, passionné d'histoire, chercheur à l'Institut national d'études démographiques, découvrit l'intérêt des registres paroissiaux pour l'étude des populations en longue durée. En 1539, l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts généralisa la tenue des registres de naissance, des mariages et des décès tenus par les curés à l'ensemble du royaume en imposant de les rédiger en langue française. À partir de la Révolution, ces documents sont devenus les registres d'état civil dans lesquels notre existence est encore consignée aujourd'hui. Étant donné l'ancienneté de ces registres, on comprend que les historiens s'en soient emparés pour développer des études statistiques sur l'évolution des comportements démographiques. Sans pouvoir détailler les multiples apports de ces recherches, je rappellerai simplement qu'elles ont mis en évidence les débuts de la transition démographique qui a eu lieu au XVIIIe siècle, illustrée par le recul de la mortalité, puis, au début du siècle suivant, par la baisse de la fécondité, illustrant la précocité du malthusianisme dans les classes populaires de la France. Pourtant, ces avancées de la recherche historique ont aussi alimenté des controverses concernant la fiabilité de la source. Par définition, un travail statistique nécessite d'homogénéiser les renseignements dont on dispose pour construire des courbes, calculer des fréquences, des moyennes, etc. Ce qui oblige à écarter les données qui ne peuvent pas être quantifiées et aussi à généraliser des observations qui ne sont pas toujours pertinentes pour l'ensemble des individus d'un même pays. La plupart de ces registres paroissiaux étaient en réalité des registres de catholicité. Les registres protestants, tenus de façon plus aléatoire, furent interdits après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Les registres de circoncision tenus par les rabbins obéissaient à des règles différentes selon les régions et, dans la plupart des cas, ils ne mentionnaient que les hommes. Ces remarques suffisent à montrer que, contrairement aux présupposés qui sous-tendaient les premiers travaux de démographie historique, ces registres n'ont jamais été une source neutre. Ils ont été imposés par les autorités religieuses et étatiques pour contrôler leurs ouailles et leurs sujets. Le philosophe Michel Foucault a montré qu'en examinant ces documents sous l'angle des relations de pouvoir, l'historien pouvait produire d'autres connaissances sur le passé. Dans cette perspective, les registres paroissiaux apparaissent comme des instruments d'un pouvoir qui s'exerce sur la vie. Ce type de pouvoir que Foucault nomme le bio-pouvoir a pris racine dans le gouvernement des âmes exercé par les hommes d'Église. Mais à partir du XVIIe siècle, quand s'est imposé ce qu'on appelle la raison d'État, le bio-pouvoir est devenu une dimension essentielle dans l'exercice du pouvoir souverain. L'État royal commence alors à se préoccuper de la population qui vit sur son territoire, car le nombre des sujets est perçu désormais comme un facteur de puissance sur le plan économique comme sur le plan militaire. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon. Une émission préparée par Anne Toscan-Judès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Sophie Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site où vous retrouvez aussi le pourquoi du comment franceculture.fr et sur l'appli Radio France. France Culture. L'esprit d'ouverture.